Atane, d'Alcal, de Guillaume Apollinaire, enregistré pour LibriVox.org. Dans le brouillard s'en vont un paysan cagneux et son bœuf, lentement, dans le brouillard d'automne, qui cache les amours pauvres et vergogneux. Et s'en allant là-bas, le paysan chantonne une chanson d'amour et d'infidélité, qui parle d'une bague et d'un cœur que l'on brise. Oh, l'automne, l'automne a fait mourir l'été. Dans le brouillard s'en vont deux silhouettes grises. Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.